Depuis que je suis petit, je n'y ai rien compris. Même si mes yeux me piquent, je vois. Je les ferme et prie et demande s'il lui pique des fois. Même si les dieux n'existent pas, je les ai confondus avec leurs semblables. Costard, cravate, ces marchands de sable qui promettent la lune sans connaître la terre, qui s'appellent adultes mais si terre à terre. Je sourirai, je souris. Ils ont cru que je riais, mais c'est même pas vrai. Madame l'a dit, elle, il faut être poli. Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Pour le cliché, un peu pour se cacher. Mais sans humour noir ou mauvais jeu de mots, je veux mourir de rire, moi. Mais sans sourire jaune, juste quand j'ai mal, alors pour que ça passe, d'accord. Mais rien que pour ça, que cette fois pour célébrer les morts. Je souris, je sourirai, je souris, je sourirai, je souris, je sourirai, je souris. Je souris.